Bonjour tout le monde. Pour ce dimanche 20 juin, le programme de la météo, les températures baissent sur la moitié ouest, mais restent encore chaudes au sud-est. Des averses orageuses se déclenchent toujours sur un axe remontant des Pyrénées vers le nord-est. Du côté du thermomètre, pour les minimales, on attend 12 degrés à Brest, 14 à Limoges, il fera 15 de Cherbourg à Nantes, ainsi qu'à Troyes et Dijon, sans oublier Aurillac, comptez 16 à Bordeaux, La Rochelle, Orléans, 17 degrés pour Toulouse, ainsi qu'à Charleville-Mézières et Paris, il fera 18 à Lille, 20 degrés à Strasbourg et Perpignan, comptez 22 à Nice, 23 à Montpellier et jusqu'à Lyon, ainsi qu'à Ajaccio et 24 pour Marseille. Au meilleur de la journée, le mercure grimpera avec seulement 19 degrés à Brest et Cherbourg, 21 à Rennes, 22 degrés à Rouen et Charleville-Mézières. Il fera 23 à Lille ainsi qu'à Strasbourg et Dijon. Comptez 24 à Troyes, tout comme à La Rochelle, 25 degrés pour Aurillac, Orléans et Paris. Il fera 26 à Bourges, Limoges, Biarritz, comptez 27 à Bordeaux, 28 degrés à Toulouse et Marseille. Il fera 29 à Nice, jusqu'à 32 à Lyon, 33 pour Montélimar et Perpignan, jusqu'à 34 pour l'île de Beauté. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche.